Salut les accros, c'est le Big Ben. Ici Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marilyn pleine de petites couettes. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 7 août 2012. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Numéro 1, Ben. Ça va super bien. Moi, je me suis levé aujourd'hui le 7 août pour ça, une raison. Faire le podcast. Ah, je pensais que tu voulais dominer le monde. Non. Non, pas dominer le monde, là. C'est bien plus intéressant de faire un podcast. Oh oui, écoute, Ange a gagné des milliards de dollars. Pas de toute d'avoir façon. Des milliers d'esclaves et entendre trois personnes. Qu'est-ce qui est meilleur? La chose que tu peux, que tu sais que tu peux avoir sans problème. Donc le podcast. Je pensais que t'allais dire d'autres choses, moi, là. Ok, excusez-moi, mon esprit est totalement tordu, les expos. Alors, comment ça va, Marie, toi? Ah, ça va très, très, très bien. La routine est encore là. J'ai joué un petit peu plus aux jeux vidéo pendant mes vacances, parce que oui, j'ai eu deux semaines de vacances pour profiter. Yes! Ouais, et puis c'est ça, j'ai pu profiter de la Wii amplement pendant que Big Ben travaillait. Et de mon 3DS. Et c'est pas mal ça. Puis vous autres, comment ça va? C'est quoi de neuf? On va y aller avec Sylvain. Quoi de neuf? J'ai fini enfin. Ça faisait un bout que je pensais de l'acheter. J'ai acheté Super Mario Land 3D. Oh! Super Mario 3D Land plutôt. Ah oui? Je l'ai fini à 100% hier. Assez rapidement. Une semaine, ouais. Oh, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Avec beaucoup de sacres et beaucoup de frustration. est-ce que t'as fait comme dans le temps où est-ce qu'on pitchait les manettes de Nintendo dans le jeu et qu'il restait correct? J'ai essayé, mais j'étais mon 3DS à deux mains pour être sûr qu'il ne revole pas. Là. Donc, c'est toi qui t'es pokéné? Je me suis fait mal au bras assez fréquemment en frustrant. Ce que Retro ne dit pas, c'est qu'il y a un prêteur qui ne pète pas son 3DS et qui l'a tapé de duct tape. Un tape après mi-main? Ouais, ben oui, mais quand, écoute. Faut bien que tu assures la fabrication de ta 3DS. Ah, oh, mais pas grave, je vais avoir le XL bientôt. Bon. Cette pauvre petite machine. Hey, au moins, vends-les. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va pouvoir profiter de ta 3DS. Ah oh, oui, je vais la signer, je la ferai tirer. Là. Oh! C'est une bonne idée! Il va falloir qu'on fasse des grabouillis sur sa 3DS quand on va le voir au mois d'août. Excusez-moi, mois de septembre. Je me suis mélangé avec le Takuton. Ouais, on était pas ouais. Présent au Takuton cette année. Il y avait pas pépé un chat de nous autres qui était allé. Des fantômes d'accro. Ouais. Mais bon. Okay. Oui, c'est loin. Non, c'est beau, continue. Ok. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai juste fait. Pis toi, PL. Oui, écoute, j'ai répondu à l'appel de ma 3DS. Quand on se rappelle la dernière fois, ben j'ai dit que je l'avais un petit peu délaissé. Bon, ok, puis ben écoute... fidèle, c'est ça que t'es en train de nous dire, là. Non, ce que je t'appelle vous dire, c'est que j'ai renoué d'amour avec elle en jouant à Cave Story 3D. Et puis, Cave Story... Si tu n'as pas le jeu de Cave Story sur PC, ou sur la Wii, ben ça vaut la peine d'avoir pareil Cave Story sur ta 3DS. Puis si t'as la version Wii, Steam... Il n'a pas sur Steam encore, au meilleur de mes connaissances. Ben oui, là. Il l'a sur Steam, moi, il l'a sur Steam. Pas Cave Story 3D, mais Cave Story Plus. Hein? Non, c'est ça, t'as le Plus sur Steam, puis le Wii, c'est une autre version. C'est encore une autre version. C'est pas que c'est une autre version, c'est Plus, c'est des options différentes. Ok, ben, en tout cas, j'en ai les deux. Je considère Cave Story 3D éventuellement. Est-ce que c'est pas. Attends, vu que t'as déjà les deux rétro, attends que Cave Story baisse de prix. Ouais, c'est ça, j'attends, parce que faut pas attendre pour l'instant. À ce point-là, vu que t'as déjà deux versions de jeu. Et également, une mini découverte, un beau mélange de jeux old school et de jeux modernes de nos jours. Nano Assault, c'est quoi ça? C'est un jeu shooter sur 3D où vous êtes un mini petit vaisseau et votre but c'est de détruire les microbes. Oh! c'est sur quoi? C'est eShop, ça? Non, c'est encore sur 3DS. Ouais, mais c'est sur eShop, c'est la 3DS, ou bien c'est un jeu... Non, c'est un jeu cartouche. OK. Puis, mais c'est pas juste des... Vous pouvez... Vraiment, on va commencer. Vous pouvez accumuler des armes en cours de route, vous pouvez refaire les niveaux, vous pouvez... vous n'êtes pas juste... Vous prenez juste pas sur des... Comment ça s'appelle ça? Un gros noyau de microbes par niveau. Des fois, vous avez également des, qu'on appelle des on-rails, tu sais, c'est que vous voyez automatiquement. C'est au niveau de sa difficulté surtout que c'est old school. Tu sais, les vieux shooters genre Gradius ou c'est Gradius ou Life Force. C'est quand même relativement dur. Bon, ben, ça prend le même style, mais avec un concept 3D. Au pire. Ok. C'est Nano Assault que je... Donc, en fait, si vous voulez acheter, je vous dirais de pas dépenser plus que 20$ et aussi de pas. Sinon, d'attendre, justement, qui pas qui paye de prix, mais si c'est pour les ceux qui aiment bien les shooters, comme justement style Gradius puis Life Force, sans ça, sans quoi vous allez faire comme. Notre sympathique ami Retro Gamer, s'il n'avait pas son duct tape sur sa 3DS, vous allez pitcher votre 3DS par le mur. Comme dans le bon vieux temps. Ah, je manque de ce temps-là. Hey, mais je regarde les screenshots, là, puis ce jeu-là, ça me dit absolument rien. Là. Non, c'est le pire, c'est qu'il est sorti l'an passé. Ah, ouais? J'ai jamais vu en magasin. Yeah, ben. Le pire. Faut que je check ça. On regardera ça. Moi, j'ai trouvé pour 15$. J'ai dit, ah, pourquoi pas. Actuellement, il est comme si il est sympathique comme jeu. J'aime bien le concept. Ok. Ben, on checkera ça. Non, c'est beaucoup. Sinon, je joue beaucoup à. Pour ne pas faire de parallèle avec mon gros projet présentement, Metroid 2. Oh oh. Ça, c'était mes grands amours de fin d'enfance et d'adolescence. Mm-hmm. Ben, moi, j'aimais plus les femmes en réel, mais c'est ton choix, là. Ouais, c'est mon choix et je le respecte. Wait, what? Ben, est-ce que t'as d'autres choses à que t'as faites récemment, PL, ou... Je te dirais que le mon projet de Metroid Saga prend beaucoup de mon temps et que si je peux me permettre un nombre de podcasts... Si je peux me permettre d'annoncer sur le podcast que... L'épisode de Super Metroid devrait être en ligne d'ici mardi ou mercredi. What, what? Et l'épisode de Fusion, si je n'ai pas de conflit, devrait également être en ligne en fin de semaine. What, what? Les gens adorent tes vidéos en plus, hein? Lesquelles? Ben, la plupart de tes vidéos, on voit des bons commentaires, en tout cas, sur le site. Ouais, donc je remercie les gens pour les bons commentaires, mais... Également, n'ayez pas peur si vous avez des commentaires négatifs. Comme quand c'était le... Comment t'appelles ça? Le ça passe ou ça casse. Ouais. T'en avais un qui m'avait voté down. C'était fine. Il me dit, ah, oh, ben le gars a des problèmes d'élocution. Je le sais que j'ai des problèmes d'élocution. Je peux même te dire que c'était 100 fois pire avant. Puis depuis ce temps-là, les commentaires que j'ai également, ironiquement, c'est, ah, oh, il s'est amélioré même à ce niveau-là. Jess Player, il dit que mon son, il était pas le mot merdique, mais il était pas très bien balancé dans la première vidéo. Non, ça, c'est des affaires que je veux également entendre. Moi, je m'excuse, mais je fais une vidéo, je suis dans ma bulle, je suis genre là. Ouais, mon son, il est bon. Quand je me fais dire, non, mon son est pas bon, c'est là que je peux corriger mes erreurs. Ouais. Ok. Ben oui. Ça, c'est sûr, je te comprends. Mais me faire dire, exemple, tes vidéos sont pas, je vais chier. Ça aide pas. C'est pas constructif. Ben, hey, j'en ai... J'en ai vu d'autres, fait que ça m'impressionne pas. Effectivement. En tout cas. Oui, s'il y a une chose que j'ai eue, c'est me faire corriger sur mes fautes d'orthographe. Mais tu sais, en comment, là, au lieu d'être en privé. Là. Mm-hmm. Ah, ça, il y a quelque chose qui m'énerve plus que ça. Moi, tout. Mais tu sais, c'est la vie. Le monde, je veux dire, quand il regarde les vidéos, je pense que. Souvent, il y en a qui prennent la moindre petite erreur, ils vont basher dedans, puis ça leur donne une raison de basher. Il y en a du monde qui c'est juste leur trip de vie, là. Oh, oui, c'est ça. Ils donnent une estime d'eux-mêmes comme ça. C'est get a life. Garde Gabrois. Marie peut vous en parler. Il se passe quelque chose de vraiment chien avec Gabrois, là. Vas-y, Marie. Ça me concerne un peu parce que je fais partie de cette gang de YouTubers, les gourous de make-up de je sais pas quoi. Ok? Je suis comme considérée de ça. Gabrois a décidé sur son mur Facebook de poster une vidéo d'une fille québécoise que je ne nommerai pas, c'est pas moi en passant, qui a un peu plus que ma shape, puis demandant publiquement à son fan, à son fan club, de bâcher sur elle. Non, ça se fait pas. Ce qui est arrivé, parce que ça, je pense que c'est un, je me rappelle pas du titre du vidéo comme tel, mais j'ai vraiment trouvé ça chien. Parce que je pense qu'il y a eu peut-être 5 ou 6 pages de commentaires sur sa vidéo YouTube, comme quoi « Oh, tu pues, ton chum devrait pas sortir avec toi, t'es trop laide. » Ce genre de truc-là, malsain, là. Je m'excuse, mais la fille, elle fait des vidéos parce qu'elle aime ça. Je pense pas qu'elle aimerait ça qu'on la descende à ce point-là dans ses vidéos, dans ses commentaires. C'est vraiment ridicule. Surtout que souvent, rabaisser quelqu'un, c'est se rabaisser soi-même. Exactement. Puis de ce que je me souviens, en plus, c'est que Gabrois, il y a eu un temps où il se faisait bâcher à tour de bras, là. Puis il a fallu qu'il fasse une vidéo pour dire, pour calmer les choses, là. C'est comme, ok, tu viens de subir ça il y a à peu près un an, mais là, tu viens totalement d'oublier. Parce que le monde bâchait sa fille, tu sais. Hypocrite! Un petit peu. Moi, j'aurais juste une... Je sais, m'étonnerait que Gabrois nous entende, là. Mais si on aurait demandé ça à quelqu'un, puis ce fille-là, dans la vidéo, aurait été ta propre fille, puis qu'on aurait demandé aux gens de bâcher ta fille, comment t'as réagi? Pas sûr qu'elle voit ça. Moi-même. Exact. Donc, le respect, ça va d'un deux côtés, des fois. Le pire, c'est que j'étais un fan de ce gars-là, un bout. Moi, tout. Je trouvais que des fois, il y avait des bons commentaires, il y avait des bonnes... Des fois, il faisait des vidéos, ça avait vraiment de l'allure. Mais là, il tombe pas mal de mon estime depuis un petit bout de temps. Pour des prises de vue totalement différentes là, que de moi. Là. Puis, vous vous en souvenez probablement, le premier best-of que j'ai fait en 2009, je pense? Je pense. Il était dedans, Gabrois. Puis là, il me déçoit vraiment beaucoup. Il a vraiment changé depuis un moment. C'est vraiment dommage à dire, mais je revois l'ancien Gabrois qui avait des bonnes opinions, bon. Mais bon, regardez, on va le laisser aller dans sa descente. Selon moi, il va descendre de plus en plus dans les estimes du monde. Je pense qu'il y a du monde qui sont, oui, sont caves, ceux qui sont allés bâcher la vidéo de la fille, mais dans un sens... C'est un gros troupeau, pareil, là. C'est rendu que c'est juste qu'à se faire. Oui, mais tu sais, je veux dire, si c'était juste cette gang-là qui sont caves, si Gabrois a besoin de ramasser tout le monde, il y a du monde intelligent qui vont certainement pas faire cette joke-là, là. Cette affaire-là. Ah. Mais heureusement, il y a plein de monde qui ont pris le point de la fille. Heureusement. Puis tant mieux. Ouais. Hey Marie, tu donneras le lien tantôt dans la pause ou après l'enchant du podcast. J'aimerais me joindre à la Légion qui prendra la défense de la demoiselle. Merci beaucoup, je vais te le faire sans problème. Sinon, moi, de mon bord, ben j'en ai fait des affaires durant le mois de juillet. Pendant mes vacances. T'as-tu gamé, là? Hein? T'as-tu gamé, oui, là? J'ai gamé, puis j'ai... Yeah. Je peux pas vous parler d'un jeu en particulier, parce que j'ai travaillé pour Ubisoft pendant 3 heures. J'étais allé faire les playtests que Ubisoft font à leur studio de Montréal. T'es pas surqualifié pour ça? Hein? T'es pas surqualifié pour ça? Ils ont jamais checké ça. C'est bon, ça? Mais selon moi, si ça aurait été Talbot, il aurait fait comme non, t'es surqualifié, mais tu sais, je fais des vidéos sur des jeux rétro, donc dans un sens, je suis comme un peu moins touchable, là, j'imagine. Mais ils m'ont quand même pris, j'ai fait 3 heures, j'ai pas le droit de parler du jeu, j'ai pas le droit de même vous dire c'est quoi le style de jeu que j'ai joué. Non, mais... L'important, c'est que t'as eu ton jeu gratuit quand on va à la porte puis t'on dit choisis. Ben, c'est ce que j'étais le plus surpris parce que je m'attendais pas à recevoir un cadeau de leur part, mais j'ai vraiment eu un jeu. Fait que j'ai eu le temps de jouer un peu, ça a été le fun. J'ai eu une bonne expérience. Puis sérieusement, si vous voyez l'annonce de playtest puis que vous avez quelques semaines de libre, allez-y, c'est le fun, sérieusement. J'ai adoré mon expérience. J'ai quasiment eu envie de travailler là dans ma vraie vie, tu sais. Tellement je trouvais l'ambiance, le fun, la bâtisse, une vieille bâtisse désaffectée qui ont transformé ça en studio de jeux vidéo. J'ai trouvé ça vraiment hot. Sur la rue Saint-Laurent. Sur la rue Saint-Laurent, c'est le monde sont sympathiques. Puis, ah, sérieux, là, je travaillerai là sans problème tout de suite, là. J'ai vraiment eu du fun. Sinon, à part ça, ben, il y a eu la vente d'été de Steam. Ça a fait mal au portefeuille. Là, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je me suis acheté beaucoup de jeux. J'ai pas inscrit sur le forum des accros, j'aurais dû, mais je vais le faire. Je vais vous énumérer tout de suite les jeux que j'ai achetés. Dites-moi si c'est des bons choix. Je sais pièce. C'est pas cher. C'est ça. Alors, j'ai commencé avec Alien vs Predator. Ouais. Classique 2000. Après ça. Ota. Hein? Excuse-moi. J'ai dit Ota. Ota. Le RTS, ça? Non, c'est le FPS. Oh! Après ça, Far Cry, le premier, et le 2, il était pas cher. Il était tombé les deux pour 10$. Fait que... Excuse-moi, Ben. Oui. As-tu dit Fart Ride? Far Cry. Far Cry. Far Cry. Ah, oh, Far Cry, taboy. Ti! J'ai-tu si mal dit que ça? Non, c'est lui qui avait compris. C'était juste moi, là. Moi, j'ai vraiment compris Fart Ride. Oh, ouais. Et... c'est mon erreur. Je veux pas savoir ça. Je veux un jeu vidéo de ça, sérieusement, ça serait trop drôle. Faut que tu pètes pour pouvoir avancer le char. Ça va être sa Wii U 2, là, j'imagine, là. Tu vas avoir un sensor qui va être dans tes culottes, là, pour checker si tu portes correctement. Après ça, j'ai acheté Left 4 Dead 2. Ouais, ok, ça passe. Ouais. J'ai acheté Quake 1 et 2. Des classiques, ouais. Sonic CD. Je suis pas un fan de Sonic. Mais j'aime Sonic là, mais ben, oui. Pouvait mal fait, c'est qu'il faut absolument que tu aies une manette de Xbox branchée sur ton ordinateur pour jouer. Ouais, ou une autre manette semblable. Même pas. J'ai essayé de Microsoft, là. J'ai essayé de brancher ma manette de PS3. D'habitude, ça marche sur l'ordinateur, puis ça n'a pas marché. Ok, mais une autre manette, là, genre une Logitech qui ressemble à une PlayStation. Pas. Non, ben voyons donc. La Logitech marcherait pour la Xbox, mais ne marcherait pas pour l'inverse. C'est ce que je comprends pas. Ok, c'est bon. Bravo. Puis pour finir, ben, j'ai acheté XCOM UFO Defense. En préparation du nouveau XCOM qui s'en vient, je pense à la fin de l'année ou l'année prochaine. Je trippe pas. Tout le monde dit que c'est un excellent jeu. Il faut que je. Pardon. Une bataille. Lequel, ça? XCOM. XCOM, ouais. Hein? Hey, ça prend une heure faire une bataille. C'est long. Pis, tu vois, jamais joué. Genre, un jeu de stratégie où est-ce que. Bon, faut que tu défendes la Terre contre les extraterrestres qui attaquent la Terre. Mm-hmm. Fait que faut que tu envoies comme des intercepteurs pour tuer comme les ovnis. Mais après ça, tu as des missions où est-ce que tu envoies des bonhommes. Faut que tu les déplaces sur une map. Sauf que. J'étais au niveau easy, facile. Puis je me faisais buter toute mon équipe au complet. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je sais pas. Mais il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de guide d'instruction pour dire quoi faire. Quand tu arrives directement dans le jeu, tu es comme, ok, là, je fais quoi? Y a-t-il des stratégies? Non, même pas. J'ai trouvé ça plate. C'est plate. J'ai payé 2,5$ pour le jeu, fait que... Bon, c'est pas super, dans ce temps-là. Avez-vous acheté des jeux, vous autres? Ben oui. Qu'est-ce que tu as acheté? Ben, Super Mario 3D Land. Sur la vente de Steam. Non, sur Steam, non, j'ai rien acheté sur... j'ai-tu acheté quelque chose sur Steam? Je sais plus, là. Non, j'ai rien acheté sur Steam. Oh my god, t'as retenu? J'ai acheté une couple de licences de Binding of Isaac avec l'expansion pour faire tirer à nos... nos fans. Nos fans? Oui! Hein, oubliez pas le concours, là. Fini. C'est jusqu'au 10 sous, là. Il y a rien dans 3. Oubliez pas, là. Oh, oui. Faut que je te raconte une anecdote rétro. Assez amusante. Il y a une semaine environ, t'as eu la publicité du film Silent Hill Revelation 2. Ouais. Ok, c'est que je vais en venir. C'est que ça, c'est une vidéo qui est exclusive seulement sur mon compte tactélé.com parce que je me suis dit, je vais pas emmerder les accros avec ça. Cependant, je me suis quand même permis de faire une plaque pour ton concours. Cool. De Binding of Isaac. Et je me suis rendu compte que ma description du concours de Binding of Isaac prenait plus de place que la description de ma vidéo. OK. OK. T'arrives, tu parlais d'un sujet, mais finalement, c'est autre chose qui fait que ça prend, qui prend plus de place. Quand même. Ben écoute, je vais te dire thumbs up. Merci à toi. Grâce à toi, le concours avec grâce à moi, grâce à moi, il était une personne qui s'est inscrite, qui a commenté de plus sur The Binding of Isaac. Effectivement. En passant, est-ce que nous autres, les accros, on a le droit de participer au Binding of Isaac? Non, ah. Les administrateurs du site ne peuvent pas participer à un tel concours. D'accord. Ça ne serait pas juste pour nos fans. Si t'es assez fin, Pierre, je vais essayer de penser à toi à Noël, OK? D'accord. Faut que tu sois assez fin pour l'échange de cadeaux. D'accord. Faut que tu sois sage. Je commence déjà à regarder pour l'échange de cadeaux cette année, le cadeau, là. Ouais, mais là-dessus, Marie va le savoir si j'étais sage ou pas. Oh, oh, oh. Hey, c'est des affaires qu'on sait pas. Hein. Comment? Si je me fie à l'échange de cadeaux de l'an passé, tu sais qu'elle laissait entre les branches que j'étais un bon petit accro? Je l'ai encore sous le cœur, ça. L'année passée, on sait pas ce qui s'est passé cette année. Non, mais c'est non, mais ça, non, mais c'est sur ta carte quand j'ai lu ta carte pour ma vidéo de Incredible Hulk. Où c'est que tu as également fait la mention? J'ai su entre les branches que c'était un bon petit accro. Comment tu sais ça, toi? Tu m'espionnes? Ah, on le sait pas. Oh, damn. Ça a l'air compliqué, votre affaire. Je comprends pas moi-même. Mettons que, ben, pour expliquer ceux qui savent pas c'est quoi l'échange de cadeaux, c'est qu'à Noël, d'habitude, les alentours du mois d'octobre, je fais tirer les noms dans un chapeau pour l'échange de cadeaux. Un des accros envoie un cadeau à quelqu'un, puis il doit faire une critique là-dessus. La plupart du temps, c'est des mauvais taux qu'on se fait. Je dis bien souvent, ou des fois, c'est encore des choses catastrophiques. Je pense juste à notre cher Just Player, qui a comme quasiment rendu l'arme après avoir fait ta critique à Marie. Quoi? C'est pas si pire que ça, Twilight. Des vampires qui jouent au baseball! Non! Non! J'ai trouvé tellement bon. Field of Dreams Vampire Edition. Ouf. Mettons que c'est... Ah non, hey, je pense que c'était le pire cadeau ever. Non, avec celui de Dark Smile également, il était assez mauvais, là. Quand c'est Anubis 2, puis Ninja Bread. Ninja Bread. Oh my god. Fait que là, cette année, je sais pas à quoi attendre, mais je commence à regarder les cadeaux, puis j'ai une couple d'idées pour ceux qui m'auront fait des mauvais taux, puis des bons cadeaux, puis du bon monde. Moi aussi, j'ai une coupe d'idées qui serait vraiment délicieuse pour certains d'entre vous, chers accros. Un album des Backstreet Boys, j'espère. Pas vraiment, non. Oh, phew. Ça va dire... Voyons, Ben. Quoi? Backstreet Boys et NSYNC. Non, Justin Bieber. Oh! C'est quasiment un viol, ça. Un viol mental, on dirait. Oh my god. On répète plus jamais ce nom à ce podcast-ci. Déjà que j'ai reçu du papier d'emballage de Justin Bieber cette année. Là. Hey, on vient de dire que c'était le nouveau He Who Shall Not Be Named. Attention, là. On a dit trois fois, là, puis il va apparaître devant toi, Marie, puis il va te faire une danse. Oh, cool. S'il apparaît devant moi, je le tue en direct, hein, les amis. Hey. Non, regarde, Justin Bieber puis Voldemort, je pense à peu près la même affaire. Non, j'aime mieux Voldemort. Ah, Voldemort est plus cool. Mais en tout cas, c'est... Alors que Bieber n'a jamais été cool. Je pense que c'est mon pire ennemi, Bieber. Tu penses, c'est un bon petit gars. Sa musique est juste extrêmement poche. Ouais, on est parti de loin, là. Les jeux Steam à Dusty Viper. Vive les podcasts des accros, là où on parle de n'importe quoi. Ben, je pense que c'est pour ça que le monde nous aime bien, parce qu'on dérape pas mal. Ça dérape solide. Et je que oui. Puis, pour finir, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent pour ce qui est de mes vacances. J'ai découvert une série avec Marie. Ok, yeah! On est un petit peu accro. Juste un petit peu. Oh non. Un petit peu, tu dis? Un petit peu. Un peu trop. C'est quoi? The Big Bang Theory. Oh! Ouais. Oh, mon... Je me demande comment je fais pour aimer les rires en canne autant que cette série-là. C'est la seule affaire qui m'agace. Le reste, tout est drôle. Je pars à rire quasiment aux 5 minutes dans cette série-là. Je trouve ça drôle. Je m'identifie à certains personnages et d'autres, j'ai envie de les frapper dans le mur avec un crowbar. Comme la plupart du Et que t'es monde. violent. Je sais pas. C'est depuis ton arrivée sur le site, là, ça m'arrive. Ah ouais, mais j'ai essayé d'arrêter de sacrer, Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Là, je suis rendu que c'est moi qui sac des vidéos. T'as pas écouté mon dernier là. top 10? Oui, j'écoutais. C'était pas si pire que ça, Ben. Hein? C'était pas si pire que ça, Ben. Mon top 10? Non, je parle de sacrage. Ah, oh, mais. Non, ton top 10 était bon. Oui, Moi, je parle de sacrage. tellement que je me suis fait reconnaître. Tellement que même Télétoon m'offre d'aller à une soirée cocktail avec eux autres. Wouh! Ben oui, vraiment. Hey, j'ai reçu un email, je pense c'est début de la semaine passée. Parce qu'au début, Ça va de même. j'avais écrit à. C'est parce qu'on a eu Ty qui est allé écrire. Il est allé poster la vidéo. Puis, tu sais, je me sentais un peu mal. Je dis, hey, s'ils pensent que Télétoon, que tu sais, je leur fais de la merde avec cette vidéo-là, j'avais comme pas envie d'avoir des problèmes avec eux autres. J'aurais écrit un beau petit. Non, mais Oui! moi je pense que c'était clair que tu émettais tes opinions. Ben, tu as le droit de faire Et ça. t'as le droit à ton Oh, opinion, oui, j'ai franchement. juste voulu clarifier la situation, puis ils m'ont juste réécrit, genre 6 heures plus tard, juste pour me dire que tout était correct, puis que, en plus, ben, vu que j'ai donné des bonnes opinions, puis ils ont bien aimé mes deux vidéos, parce que j'ai fait deux vidéos de top 10, ils ont Oui. fait, ah, ben, écoute, on voudrait t'inviter à une soirée, on fait une présentation d'une nouvelle série, puis, moi, je suis comme, wow, Ben, OK, ah, c'est bien. my God, je m'attendais pas à ça, là. Fait que, Non. non, Cool de la part de Télétoon. c'est good ça. Non, c'est good. Non, sérieusement, ils ont remonté pas mal dans mon estime. J'ai vraiment été content. Je m'attendais à ce qu'une compagnie de même, t'sais, se foute un peu de moi, t'sais. T'sais, je fais un top 10, puis t'sais, je parle de mes opinions d'à-titre, là. Ça, j'impose pas rien à qui que ce soit. J'attendais Non. pas à ce qu'ils me répondent. Je pense que c'est ça le charme de ta vidéo, c'est que tu n'imposes rien à qui que ce soit. Versus à part des gens qui vont dire mes opinions, c'est ça qui est la vérité, sinon vous êtes des Non, cons. c'est ça. C'est pas ça que tu fais, c'est pas ça que je crois qu'aucun d'entre nous font, en fait, chez les accros. Aucunement. Non, non, non. On exprime seulement nos opinions. Puis que si vous prenez Ouais. pas la même affaire, ben, just too bad. Good! C'est ça. Le monde continue de tourner. Ben, j'ai encore du monde qui. Mais ce que je trouve fun, en revenant à la discussion qu'on jasait à propos de. T'sais, des commentaires positifs, négatifs. J'en ai Ouais. beaucoup qui disent, ah, t'aurais dû mettre cette vidéo-là, j'aurais été le fun. T'sais. Je peux comprendre, t'sais, il y a des vidéos que des émissions que le monde n'aime pas. Mais des fois, le monde vraiment, ils m'écrivent comme, ah, c'est-tu que t'es cave, t'as pas mis telle vidéo, tu détestes telle série. Je suis comme, ok, là, je fais juste émettre une opinion, là. Ouais, Envoie relax, à ben l'audience. tu fais comme moi, tu crisses pas mal de ceux qui disent ça. Ouais, c'est ça que je fais, c'est juste que je trouve Moi, je ça m'en fous. dommage que le monde bâche. Bâche. Ils prennent vraiment tout trop à Ah cœur, ce oui, la monde-là. colère là-dessus, là. C'est vraiment fou. Fait que, ben, je pense que c'est à peu près le tour pour les sujets. Avez-vous. Ah oui, c'est vrai, on a une annonce à faire. On a quelques Oui. annonces. Alors, pour Vas-y. commencer, on va parler de. Ben, vous avez vu que récemment, il y a des articles qui sont apparus sur le site. Notre chère Marilyn a commencé une série d'articles sur Hunger Games, les livres. Et. Comment est-ce que vous avez aimé ça en passant? Moi, c'est la première fois que j'écris pour le site, puis c'est le premier sujet qui m'est venu en tête, donc j'aimerais vraiment avoir vos opinions là-dessus, parce qu'il y a juste Giger à date qui a mis une opinion là-dessus. Ben moi, tu sais, je commente pas souvent ce que le monde poste, mais Non. mon opinion, c'est que c'est très bien fait, très bien écrit. C'est une bonne description du livre, d'après ce que j'en sais. Moi, j'ai juste vu le film, ma blonde a lu le livre, fait que j'ai bien aimé ton opinion là-dessus. Puis j'attends patiemment le deuxième pour pouvoir peut-être m'intéresser au deuxième livre. Cool. Moi, ça m'a donné un intérêt à peut-être m'acheter les livres. Je sais que ma copine Trinity, elle a bien aimé également ta critique au point tel, c'est que comme un peu t'en font comme rétro là. Excusez-moi, ça va être tenté de ça va l'inciter à aller voir le film Ben, tant mieux. et éventuellement sûrement les livres aussi. Ouais, le film, il sort 19 août en passant en Le DVD. deuxième, Ici, hein? le premier. Premier, pardon. En En DVD. DVD. En DVD, oui, parce que le deuxième, il est pas en tournage encore. Mais il semble être sur le point d'être en tournage. Est-ce Ils ont que j'ai. commencé. Ils ont commencé, et d'ailleurs, il y a encore des acteurs qui ont été sélectionnés pour certains rôles. secondaire. Ils disent pas encore tous les rôles, les premiers rôles à rajouter. On dirait qu'ils veulent tout mettre ça en suspense jusqu'à la toute fin. Mais bon. C'est correct. Ben oui. Ouais. Mais moi, j'ai aimé ta critique, mais c'est sûr que tu m'en parles souvent, mon amour, fait que j'ai pas réellement besoin de, d'aller la lire, mais j'étais allé le faire pareil, puis non, j'ai bien aimé la critique. Non, c'est bien écrit. Oh, c'est très bien écrit. C'était puis, particulièrement bien écrit, bien expliqué. Oui. Puis on a aussi nos, on a eu Giger qui nous a reposté un jeu iPhone, alors... Oui. À l'origine, c'est un jeu sur ordinateur. Est-ce que j'ai bien compris? Il est sur iPhone? Attendez, je vais juste aller vérifier. I Wanna Be the Guy est rendu sur iPhone? Non, excusez-moi, c'est juste PC. Désolé, c'est mon, erreur, c'est mon erreur à moi. C'est parce que je pensais que c'était iPhone, parce que avant, il faisait des critiques d'iPhone, de jeux iPhone. OK. Que, oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Je me suis désolé, je me suis trompé. Mais c'est ça, il a recommencé ses critiques, puis c'est vraiment cool. Ça fait différent de sa marionnette diabolique. Et, Je m'en ennuie, sa marionnette diabolique, elle est trop cool. Elle fait juste des vidéos avec ça. Alors, pour revenir à la discussion, ben c'est ça. Vu que les articles marchent bien, ben on cherche des nouveaux rédacteurs pour le site des accros. Alors, si vous avez des sujets à discuter, des sujets qui parlent de jeux vidéo, de films, de livres, geeks, des mangas. Si vous discutez également de vidéos YouTube, peu importe, envoyez-nous un texte un texte décliné. On va faire à peu près entre 500 et 600 mots. C'est à peu près ça, Marie, hein, que tu as fait? Moi, j'ai fait à peu près 450 mots. J'étais pas forcé du tout. Fait que... Alors, mettons entre 400 et 600 mots. Et vous écrivez ce que... Vous écrivez vraiment un texte à vous, donc pas de copie, pas de, je veux pas le voir sur un autre site. Et vous. Votre opinion à vous autres, oui, c'est important. Oui. Et c'est ça. Et vous nous faites parvenir ça à l'adresse courriel accrodesjeux@commercial.gmail.com. Vous écrivez comme quoi que vous voulez essayer de rentrer comme rédacteur sur le site. On fera pas de sa passe sa casse pour ce qui est des rédactions de texte. Mais ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire passer ça dans le comité interne des accros, donc nous quatre, ainsi que Giger et les autres membres des accros. Et si ça passe, ben on vous allez retrouver rédacteur sur le site des accros. Donc là-dessus, juste à nous faire parvenir ça sur notre site internet. Après ça, on vous annonce que nous allons faire un spécial le 29 septembre 2012. Marquez ça à votre agenda. Le 29 septembre 2012, à partir de 20h, je vous dirais. Mais que se passe-t-il le 29 septembre 2012 à partir de 20h? C'est le 3e anniversaire des accros. Alors, wouhou! 11 ans les accros. Et ça fait... On est un des sites les plus vieux, je vous dirais, dans le style... qu'on fait présentement. Il y a eu beaucoup de sites qui ont apparu plus tard, Réseau Gamer, L'Épée Légendaire, qui font des vidéos un peu comme nous autres, puis ils font des critiques un peu comme nous autres, mais on est un des premiers à être apparu sur Internet. Québécois. Je ne sais pas pour la France, mais Québécois, on est les premiers. Alors, on va faire un spécial 3e anniversaire. Ça va être comme l'année passée. Ça va être un live où les accros vont être présents sur Internet. On va le faire sur un nouveau site qui s'appelle Blog TV et qui permet à chaque membre des accros d'être en caméra pendant qu'on chatte avec vous autres. Fait que ça va vous permettre d'avoir des discussions, du feedback avec nous autres. Et en même temps, on va essayer d'enregistrer les conversations pour faire un podcast spécial 3 ans. Il va y avoir des prix à faire tirer durant la soirée. Je vous dis pas c'est quoi, mais il va y avoir des petits prix à faire tirer. Vous allez avoir la gang des accros présente qui devrait être là pour chatter avec vous autres. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Tout le monde va être présent. Et c'est à peu près ça, je vous dirais. Ça va être vraiment cool. J'espère que vous allez être présent pour le 29. Une belle grosse conversation avec plein de gens. Comment est passé? C'est cool l'an passé. C'était vraiment cool. On a été chanceux l'an passé. Le son était tellement mauvais, mais on a eu on a eu de l'aide de la part de TCK, un de nos fans français, qui nous a fait une modification dans le son, qui nous a permis de sauver notre podcast dans un sens. Mais ah, c'est bon, ça. Cette année, on en fait un nouveau. J'espère que vous allez être présents. Ça va être beaucoup plus gros. Le monde va être là, il va y avoir des cadeaux, puis pas juste un t-shirt, il va y avoir vraiment plusieurs petits cadeaux à faire tirer à tout le monde. Puis nos fans français également, vous pouvez participer. Bon, je sais, ça va être tard, il va être quasiment 4h du matin pour vous autres quand ça va arriver. Mais, ouais, malheureusement, mais c'est pas plus grave, le podcast va être en différé, donc vous allez pouvoir l'écouter sans aucun problème. Alors, on y va en nouvelles plus normales, je vous dirais. Alors, on commence avec une première nouvelle qui vient de Kotaku, qui nous annonce comme quoi que la version PS3 de Assassin's Creed 3 risque d'avoir 60 minutes de plus de gameplay. Et ça vient d'Amazon. Ah ouais. Ouais. Puis... Étonné par 60 minutes de plus de gameplay. 60 minutes de plus de gameplay prévu ou 60 minutes de gameplay de plus que, mettons, la Xbox 360? Ce serait plus de plus que la version 360. OK. Donc, je trouve ça spécial. Peut-être c'est assez spécial. Peut-être oui. Que PlayStation a acheté une exclusivité pour le jeu PS3. Il y a des fortes chances parce que ça c'est devenu une des stratégies de PlayStation pour pouvoir rivaliser avec Xbox. D'après ce que je comprends, c'est du contenu downloadable exclusif. OK. Donc, ça pourrait. Ça va être exclusif à eux autres, mais probablement qu'ils doivent avoir un temps d'exclusivité. Ouais, c'est ça, ou bien il va falloir que tu l'achètes à part chez Xbox, là. Ouais. Alors, c'est quelque chose pour nos fans qui adorent Assassin's Creed, peut-être d'obtenir la version PS3. Ça va être différent pour vous autres. Après ça, avez-vous vu le disque dur? Je dis, ça, c'est la bébelle que je veux le plus en ce moment. C'est, quoi, c'est un, en ce moment? Oui. C'est un disque dur... de portable où la boîte c'est une boîte de Zelda en or. C'est une comme un coffre là ou le boîtier est juste doré. Ben ça ressemble vraiment à une boîte de Nintendo. Je vous fais le parvenir le lien. C'est un disque dur en forme de boîte de cassette Nintendo. Oui. Là. Ok. Je vous envoie ça en chat pour ceux qui sont présents en ce moment. Vous pouvez aller voir ça. C'est une compagnie qui fait vraiment des périphériques avec différents modèles. Comme vous pouvez avoir un splitter USB en forme de manette Nintendo. Vous avez des disques durs. Vous pouvez choisir comme la boîte que vous voulez pour votre disque dur. Il y en a de Mario. Il y en a de... ils en font des modèles spéciaux 8 bits de, mettons, Metal Gear Solid 4. T'sais. Mais je trouve ça drôle comme... Comme disque dur. Moi, sérieusement, si j'en veux m'en acheter un nouveau, je pense que je vais me chercher vers celui-là. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Puis, je trouve que le prix est quand même de l'allure comparé à un disque dur ben normal là, dans les magasins. Là. C'est entre 110 et 130 pour un téra. C'est un disque dur externe. Oui, okay. Externe. OK, c'est comme une cassette Nintendo. C'est ça. Je sais pas si vous voyez le site que je vous ai envoyé dans le chat. Ouais. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment cool. Si jamais vous cherchez un disque dur de ce genre-là, vous allez à www.etsy.com. Puis vous allez pouvoir trouver tous les modèles. Il y a des tapis de souris également, avec des scènes de jeux. Ah, mais ils font plusieurs jeux avec un hard drive, là. Il y en a des tonnes. En fait, le site etsy.com, c'est... De ce que moi je connais, c'est un regroupement de plusieurs gens qui font des créations par eux-mêmes, qui sont différentes. Fait que pour ceux qui cherchaient sur Etsy.com, le magasin sur Etsy, c'est 8-bit memory. Parce que sinon, vous allez chercher longtemps sur Etsy.com. Écoute, je regarde des mousepads, moi, là. J'en ai besoin d'un, là. Moi et tout. Puis, il y en a des beaux là-dedans, là. Oh que oui! Alors, si jamais ça vous intéresse, allez voir sur ce site-là. Sérieusement, ça vaut la peine. Pour ceux qui ont besoin d'un fixe de Super Smash Bros., mais qui attendent le PlayStation All-Star, si vous êtes membre de PlayStation Plus, ben, vous allez obtenir la bêta plus tôt que les autres membres de PlayStation durant l'automne qui s'en vient. Alors, surveillez attentivement les membres de PlayStation Plus. Vous allez peut-être obtenir un bêta test de ce jeu-là qui me donne pas envie d'y jouer. Sérieusement, moi, de mon bord, non plus. Je trouve tellement que ça, c'est une mauvaise idée de PlayStation de copier, là. En tout cas, sérieusement, je trouve ça plat. Avez-vous vu ce que j'ai posté tantôt sur le forum des accros pour un nouveau Kickstarter? Ouais, le truc de Cheetoman 2. Cheetoman 2. Quelle idée bizarre. Ok. Un jeu de merde. Un remake ou. Non, tu prends le hand-coding original puis tu sors. Ça ressemble. De ce que j'ai écouté de la vidéo là, de présentation, là, c'est que le gars promet de corriger les fautes. T'es genre parce qu'il y avait énormément de bugs. Puis de sortir le jeu. Sauf qu'il manque quand même 60$ la cassette. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment. Quand j'ai vu. Puis le pire, c'est qu'il fait une vidéo avec le nerd, Angry Video Game Nerd. Puis il fait une vidéo. Dans la vidéo, il y a également Pat the NES Punk. Ok. Le gars veut remonter sa crédibilité derrière sa déclaration. En ayant James Rolfe et Pat. Tout ce qui est écrit dans la vidéo, là, c'est que vu qu'il a fait une critique du jeu, ben il se donne. Se devait de faire la vidéo. Mais je trouve ça comme tellement plate, là. Il dit que le jeu est mauvais, là. Puis qu'il a descendu la cassette au complet. Puis le gars qui a fait la cassette de son jeu veut faire un autre jeu. Je l'aiderais pas plus. Non, vraiment. Moi non plus, là. C'est vraiment dégueulasse, là. J'ai bien d'autres jeux rétro à m'acheter à ce prix-là, bien avant que je fournisse d'argent pour cette cochonnerie-là. Ben, moi, je vais pouvoir préférer plus les. À la place de mettre 60$ sur ce genre de jeu-là, je vous mettrai un 60$ sur Battle Kid. Exactement. Ouais, genre. T'sais... Ça, c'est le genre de jeu, ça me dérangerait pas de payer. C'est ça. Ce moi non plus, ça me dérangerait pas en tout de le payer parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine de jouer un genre de ce genre de jeu-là. Plutôt que de jouer à d'autres jeux, là. Ouais. Bref. Oui? Oui, parce oui, que quoi? Je pensais que tu voulais parler. Ben non. OK. Non, c'est pas parce que je fais un petit commentaire. Je voulais aussi, après ça, juste corriger un texte que j'ai écrit sur le forum des accros par rapport au Angry Video Game Nerd versus le joueur du grenier. Oui. Bon, je vais expliquer un petit peu la situation. Au début de mes vacances, j'ai vu que je suis Frédéric Molast sur Facebook. J'écris souvent à ce qu'il répond, puis moi j'aime bien ça. Puis un matin, il y a eu un message de Mike Matty sur son compte Facebook qui disait que there's another there's this dude in France called Joueur du Grenier that been ripping off James Hack. Kind of like the irate gamers, except he's French. Since it's another language, he's been totally getting away with it. How shall we deal with this fucking bomb? Puis, tu sais, Fred Molas, le joueur du grenier, il se sentait vraiment mal. Tu sais, c'est comme. Il l'a aimé, là. Tu sais, il aime le joueur du grenier, comme toi, tu lui l'aimes également, rétro. Tu sais, pour toi, c'est une idole, là, dans un sens, là. Oui? Ben quoi? Qu'est-ce que je dis? Puis plus tard, ben, on s'est rendu compte que les deux parties se sont réconciliées dans une vidéo que Mike Matté a placée sur, sur son le site CinemaSecure, comme quoi que il a utilisé le joueur du grenier dans une vidéo pendant un gros 20 secondes pour rire un peu des Français. Mais finalement, ça a l'air d'être mieux correct. Ça a l'air d'être les deux parties sont arrangées. Mais je trouvais ça plate pendant un moment que Mike Motté était en train de descendre le joueur du grenier tout simplement parce qu'il faisait à peu près la même affaire que le nerd, même si c'est pas vraiment la même chose. Là. D'un, c'est pas c'est ça. D'un, le joueur du grenier a son propre stick ou Video Game Nerd a. C'est pas parce que Video Game Nerd c'est le premier, entre guillemets, ou celui qui a popularisé le trip de faire des critiques vidéo que forcément celui qui le suit, c'est tout des imitations. Tant qu'à faire les accros des jeux. On est tous des imitations de Video Game Nerd. On ne l'est pas. De deux, je pense juste que Mike Matty s'est échappé. Mike Matty s'est échappé, mais c'est pas la première fois qu'il s'échappe puis que dans le fond, il confond les affaires, slash, il se mêle pas de ses affaires parce qu'il parle au nom de James Rowe, puis alors que ce que faisait James Rowe pendant ce temps-là, ben, il faisait son film. Fait qu'il pouvait pas s'abrir de bord et dire hey, c'est pas ça que. J'aurais jamais dit ça, là. Mm. Non, il t'a préféré son film. Ben là, à ce temps, il vient de finir son film. Je il n'y a pas ce ben, il n'est pas fini. Ouais. Il faut qu'il tourne sur la côte est. Là. Ah, ok, je pensais qu'il avait fini. Non, non, il a fini ce qu'il avait à faire dans le coin d'Hollywood puis de Californie. Là. Il faut qu'il tourne ses restes de ce qu'il avait besoin sur la côte est. Là. Ah, c'est bon. Ok. Fait que, en tout cas, je trouve ça que c'est une histoire qui finit bien pour une fois, une chance, là. Maintenant, une chance. Ça n'a pas été descendu totalement en histoire quasiment. J'aurais eu peur que ça soit en histoire juridique, là. En fait, wow, je vois pas comment. Hmm? Je vois pas comment ça aurait pu tourner. Non, mais moi non plus, parce que c'est deux pays totalement différents, mais tu sais, j'aurais trouvé ça plate que ça soit une guerre d'insultes d'un bord puis de l'autre aussi, là. Puis le nerd est généralement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus raisonnable que ça, de toute manière. C'est pas son style de blaster le monde. Qu'il est fort grâce à ça. Pour ceux qui suivent justement The Guy with the Glasses, même le nerd il est arrivé, il a dit à un moment donné, des débuts de The Guy with the Glasses, laissez de Dog Walker aller, là, je veux dire, il a pas fait de mal à personne. Mm. Ouais, puis de toute façon, tu peux pas te tromper entre le nerd et le joueur du grenier. Là. Non, non, non, vraiment pas. tu peux pas dire, ah, t'as vu lequel et lequel. Mm. Je veux dire, c'est comme évident. Là. T'sais, le nerd puis le joueur du grenier, c'est le joueur du grenier. Il y a chacun leur opinion différente. À moins que tu t'appelles Velma dans Scooby-Doo, là, tu peux peut-être te tromper. OK. OK. Alors, avant de finir les nouvelles, j'aimerais au moins qu'on jase de la fameuse Ouya. On n'avait pas parlé la dernière fois. Oui. Alors, pour ceux qui ont vécu dans une caverne durant les derniers mois, parce que même Marilyn en a entendu parler à cause de moi. J'ai comme pas le choix. C'est la fameuse console à 99$ qui roule sur Android. Puis qui joue, la plupart des jeux sont gratuits, sauf que vous devez payer, faire des microtransactions pour acheter certains jeux ou acheter certaines affaires. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Hey, sérieusement, c'est rendu à 7 millions de dollars, tandis que leur but était de 950 000 dollars. Toi, tu penses que c'est Kickstarter? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une console Android, d'après ce que je comprends. Sauf que le nom, c'est de la merde. Ouya, là, c'est ce que je fais quand je m'échappe un marteau sur le pied. OK. Faut que tu mettes ça dans une vidéo. Non, mais j'aime. Ça ressemble vraiment à quelque chose que tu as reçu sur la tête ou je sais pas quoi. C'est Ouya, Ouya! C'est comme dans Astérix. Ouya, Ouya! En tant que fan de Big Bang Theory, moi, je propose un autre nom. Bazinga. Bazinga. Non. Bazinga. Mais c'est parce que chaque fois que Sheldon il sort une joke, il fait comme Bazinga. Mais tu sais, c'est comme OK. Non, c'est pas un nom de console. Ouya, ça me fait penser à Bouya, moi. Bouya! Bouya! Bouya! Ah, Ouija aussi. Oh, ouais, aussi. Ouais. Je me retenais pour le dire, celle-là. Pour le... Non, ça prend vraiment un nom là, qui fit avec Android. Là, genre. Je sais pas, moi. Marshmallow, je sais pas quoi, là. Marshmallow, je pense qu'il a déjà été utilisé. Je sais pas, un nom de truc de sucre, là, comme les choses d'Android. Là, ils sont rendus à Jelly Bean. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait être? Mais là, Il y a des tonnes de desserts, là. Je sais pas, moi. Ice cream muffin machin. Three pieces. Biscuit aux pépites de chocolat. Le sucre à crème. Oreo Generation, je sais pas. Macaron, genre. Macaron, ouais, c'est ça. Chocolate bean ou. Non. Attends, j'allais. Le choix du président. President Choice. Vous savez mon opinion sur le President Choice? Non! Hein? Moi, je veux rencontrer ce gars-là une fois dans ma vie. Qui ça? Le président. Ah, certain. Il a demandé d'être un bon gars. Je veux au moins lui donner un câlin une fois dans ma vie. Un câlin. Il voudrait pas que tu le câlines, Ben, parce que lui, il tient à ce que sa cravate reste impeccable. Ben, je vais m'arranger. OK, je vais faire ça. Je vais envoyer un courriel, tantôt, au choix du président. Voir si c'est possible de le rencontrer, puis d'y donner un câlin. Et tabarnak. Et je filme ça, je mets ça sur accro. Et ouais. T'as les aventures de Big Ben et le choix du président. Oh my god. J'imagine tellement la vidéo. My god. Parce que sérieux, tu le vois, il a toujours un grand sourire, il est toujours bien placé, puis il a l'air à vouloir faire plaisir au monde. Ben, si je veux me faire plaisir aussi, je vais lui donner un câlin, moi. Il veut juste avoir un sandwich à crème glacée, le choix du président, de la part du président, bon. Puis faire un câlin, je pense. Hey, c'est non, je t'en réjouis. Mais là, est-ce que sur ta page Facebook, t'as cliqué que t'aimais la page Facebook de President's Choice? Oui. OK. Quoi? Un bon step. Ah, ouais, en bonne direction. Bon, ouais. T'es en bonne direction. Ouais, oui. OK. D'ici 2013, il faut avoir un câlin de lui. OK. OK, fait que là, il te reste pas moins de la moitié de l'année pour un câlin de lui. Ouais. Fait que j'obtienne une Wii U, puis il faut que j'aille un câlin de lui. Ouais, ma vie va être bien remplie, là. Oh my god. Ah, puis acheter une Nexus 7 aussi. Bon. Là, je vois les yeux à ma blonde font comme « Oup, là! » Tu dérapes, là. Je pense que... Non, je pense que je vais perdre mon portefeuille pour un bout. Non, plus sa carte de crédit. Oh. Madame porte les culottes financièrement. Non, c'est parce que je le connais trop. À chaque fois qu'il veut, il y a une bébelle dans la tête, je le veux! Ouais, je suis comme ça aussi. Pareillement. Même des fois, si les arbres pouvaient faire pousser des billes au lieu des feuilles. Hein. Ah ouais, c'est clair que... Ben, j'aimerais mieux des billets là, que des billes, là, mais... Personnellement, moi aussi. Ouais, ça, c'est, ça peut être confondant. Fait... Des billets de 100 piastres. Oui, j'avoue, hein. Fait que, non, c'était ça pour les nouvelles cette semaine, les accros. Fait que, on va aller partir en pause, les accros. On s'en va avec ma découverte des dernières semaines côté musique. Yeah. C'est une chanteuse qui s'appelle Maluka, qui est originaire du... Celle qui faisait Skyrim récemment? Oui, c'est ça, c'est la chanson Skyrim qui va être jouée. Ça s'appelle Dragonborn Comes. Et c'est Maluka qui l'a fait. Elle fait la voix, elle fait les musiques. C'est sérieusement ma découverte. Je la trouve vraiment hot. Elle est très bonne. Cool. Oui, alors on s'en va en pause et on revient dans quelques minutes. Our hero claims a warrior's heart. I tell you the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord art. Believe the dragonborn comes. It's an end to the Skyrim's foes. Beware the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah, alors salut, c'est Benzaï, vous écoutez Big Ben et Reviewers CE sur accrodesjeux.com. C'est Benzaï de Dead Guy with the Glasses qui vous dit d'aller sur accrodesjeux.com avec Big Ben et Reviewers CE. On est de retour avec la voix sensuelle de Catwoman. In the Poison Ivy. I can see Brenda British. Ah, Poison Ivy, c'est une bitch. Je suis bien meilleure. Et de Baby Peach. Ok, ça n'a n'importe quoi là. That was wrong. Je le sais. Vous vous rendez pas compte, les accros, comment on peut déconner durant la pause là? C'est fou. On devrait avoir éventuellement un behind the scene justement qu'on vient de faire, puis enfin un exclusif. On va faire ça à partir du prochain podcast, je pense, parce que là sérieusement il y a beaucoup de choses à vous, qu'il faut pas que vous écoutiez, mais qu'on va quand même vous mettre pareil parce que c'est trop drôle. Mettons que ça joke pas mal. Ah oui. Correct. Ok, fait que ben pour les discussions de fin de podcast, ben on y va encore avec un bon sujet libre de ce qu'on a joué, nos commentaires, nos suggestions. On va commencer avec Sylvain, t'es pour commencer. Qu'est-ce que tu voudrais nous jaser, nous discuter? Écoute, moi, je vais te parler d'un jeu d'Android qui s'appelle Pix & Love Rush pour Android. T'es sûr que c'est pas un jeu pour attaquer? C'est un jeu pour tout, là. Moi, récemment, j'ai downloadé pour 2$ sur Google Play. Pix & Love Rush, c'est un jeu assez simple avec des graphiques style rétro. En fait, on contrôle un chat genre style 8-bit, là, en full pixel. À travers des niveaux qui sont à peu près de la même couleur que le chat, mais tout en 8 bits à peu près. Là. Puis ça va dans différents styles, là, dépendamment où est-ce que tu es rendu là, dans les niveaux. Puis le but, ben, c'est juste d'accumuler le plus de points possible. Il y a 4 modes de jeu différents. Les contrôles sont simples. C'est avancer, reculer, sauter, tirer. Là. C'est un jeu platformer ce qui est plus normal. Est-ce que tu as eu de la difficulté avec le touchpad? Ben justement, moi j'ai joué avec la version Android, puis comme même si je jouais le fun, là, sur ma tablette les contrôles, ça m'énervait parce que aller de gauche à droite avec un tactile, des fois là, c'est pas naturel, pas en tout. Tu passes à côté du bouton soit gauche ou droite assez souvent. Fait que tu tombes pas mal tout le temps dans les trous parce que t'as oublié, t'as pas posé sa bonne affaire au bon moment. Puis à la base, là, des plateformes avec un écran tactile, là, t'as pas la sensation de contact avec les trous, non. Ben je suis pas fan. Mais j'ai essayé avec une application qui permet de jouer avec une Wiimote par Bluetooth. Puis je pouvais juste aller de gauche à droite. Puis j'ai pas trouvé comment mettre les autres boutons, ces boutons de la Wiimote. Fait que okay. À date, c'est pas un succès. Je vais réessayer plus tard. Mais le jeu est aussi disponible sur iOS et PlayStation Network pour le PSP. C'est quand même un bon jeu. Je te suggère quand même si vous aimez les choses qui sont un petit peu plus rétro là, comme moi. Mm-hmm. Parce que. Pix & Love Rush. C'est P-I-X apostrophe N Love Rush. Ok. Moi je me rappelle, pour juste rajouter un point, j'avais essayé Sonic 2 sur iOS. Et oh my god, comment que les contrôles sont laids là-dessus là. Ouais, c'est pas facile, hein. Je suis pas capable de passer le troisième tableau tellement que les contrôles sont mauvais. Puis pourtant, on s'entend tout Sonic 2, c'est pas le jeu le plus compliqué du monde, là. Ah, inquiète-toi pas, toi t'es pas mauvais. Ah, je suis pas mauvais, moi. c'est ça. Je suis pas mauvais, bon. Ok, moi, on entend. Moi, je pas sexy. Je trouvais que tu sonnais plus comme Bane, mais ça, c'est mon avis personnel. Je suis le Strum grognon. Moi, j'aime pas qu'on me reconnaisse pas. Fait que t'aimais pas les contrôles de Sonic 2, finalement. Non, Sonic 2 était vraiment pas bon pour ce qui est des contrôles sur iOS. Puis sérieusement, je pense que c'est la grosse lacune. Pourquoi que je joue pas souvent avec mon iPod Touch? C'est le tactile. Sérieusement, là, j'ai beaucoup de misère avec le tactile pour ce qui est des jeux plateformeurs. Les seuls jeux que j'ai sur mon iPod que je joue encore, c'est soit Shining Force parce que c'est un RPG, donc c'est pas si compliqué. Sinon, je joue à Angry Bird. Okay. C'est vraiment des genres de jeux faciles. Tu joues à Bieber? Non, pas à Bieber, à Angry Bird. Ah, Angry Bird. Okay. Non, Bieber. S'il y a un jeu de Bieber, ça doit être sûrement de le tirer avec une carabine, là, mais ça, c'est mon avis personnel. Là. Non, non, il existe vraiment un jeu de Dustin Bieber où tu le tires à coup de carabine. C'est un jeu flash sur newgrounds.com. Je suis pas surpris. Avec tous les jeux stupides qui sortaient des années, au début des années 2000. Moi, je m'en souviens des tonnes, surtout sur stickdead.com, là. Ah, c'est bol. Vous rappelez de souvenir, hein? Stick Dead. Ah, mon Dieu. Puis sinon, PL, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais discuter avec nous autres? En fait, oui. Mm-hmm. Je me suis téléchargé un démo récemment sur justement la 3DS Store. OK. Et le démo, c'est Heroes of Ruin. Ah, oui, c'est bon. Qui est un nouveau jeu fait par Square Enix. Genre, en partant avec le fait que ça vient de Square Enix, je suis genre là, no. Mais, j'ai essayé Heroes of Ruin en démo, puis je suis genre là, mais il me faut ce jeu! Ben oui, il me le faut, parce que je vais l'avoir éventuellement, ma blonde aussi, on pourra jouer à 4. C'est comme, moi, ce que j'ai pris de ça, c'est que c'est comme genre un mini-MMO pour 3DS. Oh! Oui. Non, c'est vraiment intéressant. Même si tu as le choix, je pense, entre quatre personnages. Ouais. Les personnages sont assez différents pour que tu sentes une certaine variété phénoménale. Juste la démo, tu as soit la brute épaisse ou un tireur. Avec, je pense, des compétences de voleur. Je me trompe pas. Ouais. Mais bref, Heroes of Ruin, c'est un jeu que j'ai essayé une couple de fois sur la démo, puis genre là, prochain achat. Peut-être que ça fait. Parce que tu vas avoir plusieurs choix. En plus, tu vas avoir plusieurs choix, mais vraiment plusieurs choses à faire, plusieurs quêtes à remplir. Alors, c'est. Excusez-moi. Alors, le gameplay également promet, et le temps de jeu également promet. Pour un jeu de 3DS, en plus, pour un jeu de 3DS, c'est également. Que j'ai également beaucoup. Pour un jeu 3DS, c'est graphiquement très beau. La musique est bonne en salle. Et la musique est vraie. Merci de m'aider, Rétro. La musique est également très, très entraînante. Alors, moi, je vous invite également de télécharger la démo sur la 3DS Store et de faire votre propre opinion. Mais je crois que Heroes of Ruin, c'est un. Risque d'être un excellent. Ajout à votre collection. Et possiblement une nouvelle franchise pour Square Enix. Et on va être bien contents, en tout cas. On le souhaite. Oh que oui. Est-ce que le jeu sort avant le 29 septembre? Le jeu est déjà sorti. Ouais. Alors, peut-être que ce serait un jeu à jouer pour le 3e anniversaire. Je sais qu'il y a bien des accros qui aimeraient ça jouer avec nous autres. Fait que, cool. Ce serait peut-être quelque chose que vous pourriez faire. En parlant de ça, je peux me faire un commentaire. J'aimerais avoir vos avis, vous, et également ceux des accros sur les forums de discussion. Mm-hmm. J'aimerais savoir si... est-ce que c'est moi, ou après un certain temps, l'option 3D de votre 3DS, se fait moins présente? Je dis jamais. Non, je trouve pas. Moi non plus, je n'utilise pas tant que ça. Mais, à un moment donné, pour le fun, si j'utilise pour faire la comparaison, est-ce que la profondeur est-ce qu'il y a encore une profondeur dépendant des jeux? Puis je me rends compte de plus en plus que malgré mon utilisation limitée, la profondeur se perdait. Il y avait moins de profondeur qu'originellement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également remarqué? Non. Non. Mm-hmm. Moi, ce que je pourrais te dire, c'est que si tu veux vraiment voir s'il y a eu un changement, tu prends Super Mario 3D Land parce que le jeu est fait pour être en 3D. Hein. Puis d'accord. Si tu vois plus profondeur dans ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. D'accord. Toi, Marie, t'as pas eu de problème là-dessus? Non, pas jusqu'à maintenant, mais moi, je suis pas une fille qui va mettre le 3D vraiment à fond non plus parce que. Mais moi non plus! Mais je remarque pareil que. Qui me semble que les profondeurs de 3D est moins présent. Donc tu sais, plus de silence de 3D, puis soudainement, il s'use rapidement. J'espère que j'ai tort. J'espère sincèrement que j'ai tort. Moi, je pense que c'est peut-être juste toi. Ça se peut. Je sais pas. Oui, Marie. Ouais, mais c'est ça comme. Mais oui. Oh. Il y a un petit problème ici. Problème technique, je suis désolée. Nous avons présentement des problèmes techniques. Veuillez rester en ligne pendant que nous réglons le problème. Oui, bon, c'est ça, là. Ok. Les deux filles ici, là, je vous engage à Call TV. Alors, bonjour, les coucous. Ah ouais, vas-y, Marie. Non, mais sérieusement, moi, j'ai pas vraiment trouvé ça. Je sais pas si c'est fréquent, mais ça a l'air d'être un problème pas mal unique, selon moi, là. Ok. Ben, c'est ça. Juste à regarder prochainement, j'imagine que... Ouais. S'il commence à avoir plus de cas, j'imagine que Nintendo vont sortir quelque chose, ou whatever, je sais pas, là. Mais en tout cas, pour ce qui est du moment, j'ai pas entendu parler de nouvelles là-dessus. Puis ma 3DS, ça va super bien, même si je la traîne avec moi partout. Moi, ouais, avec, je la traîne partout, ma 3DS. Donc, non, c'est ça. Jamais sur ma 3DS. Ouais, jamais? Jamais. Ah, non? Jamais sur ma 3DS. Ah, ouais. Même dans mon lit. Un petit peu trop d'expérience. Ok, je pense qu'il y a un petit peu trop de on va aller. Avant que ça tombe explicite, on va jaser d'autres choses. Ouais, on va jaser d'autres choses. Autre chose. Alors. C'est vraiment dégueulasse, les gars, by the way. Marie, à ton tour de nous jaser de quelque chose que tu as fait récemment. Est-ce qu'il y a un livre, un jeu que tu veux critiquer ou. Non, moi, c'est une place que je veux parler. Oh, une place? Oh. Ouais. Je sais pas si vous connaissez ça. Les gens de Montréal, peut-être plus. Les geeks de Montréal, sûrement. Moi, un endroit que j'aime de plus en plus à chaque fois que j'y vais, c'est l'Otaku Manga Lounge. Wouhou! Parle sur Saint-Denis, ça? Oui, sur la rue Saint-Denis. Franchement, là, à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de faire partie de la famille. Sérieusement, tout le monde me dit « Salut, comment ça va? » Vraiment, ils peuvent passer plein de temps avec moi. Moi, je suis pas une très grande fan de manga. Puis la fille qui travaille là-bas, je sais pas, me rappelle pas de son nom, mais elle peut me passer une demi-heure à m'expliquer des mangas que je pourrais aimer si j'ai aimé tel manga. En tout cas, c'est super, super intéressant comme place, sérieux, là. Mais ça, c'est le gag avec les otaku de Montréal, du moins du Québec, ou du moins à Montréal et à Laval, c'est qu'ils sont ultra passionnés. Je sais pas si ça fait la remarque, mais moi j'ai remarqué qu'ils étaient ultra passionnés. Un otaku de Montréal ou même de Laval, comme je dis, ben, sa vie, c'est qu'avanceur les mangas. Ouais, moi, je n'ai pas lu beaucoup présentement. Là, je suis en train d'en lire un, justement recommandé par l'Otaku Manga Lounge. Puis, c'est vraiment drôle. Je m'attendais pas à rire autant, surtout dans un manga. Quoi, Switch Girl? Exactement. Elle adore Switch Girl. Elle le lit à tour de bras. Et c'est un cadeau de son chum. Oh! Je la gâte. Oui, mais ça. Facto, Marie, t'as juste le numéro 1? Pour le moment, oui. Okay. Là, peux-tu nous en parler un peu? Ben, je ne l'ai pas lu beaucoup, mais je peux résumer un peu de quoi ça parle. En fait, c'est une fille, une adolescente, qui, pour être acceptée à l'école, ben, va faire la petite fille parfaite, les notes parfaites. C'est la fille la plus populaire de l'école, les patati patata, vous voyez le genre. Mais quand elle revient chez elle, c'est complètement le contraire. Elle devient une geek passionnée, là. Les lunettes, les cheveux défaites, le linge complètement de geek. Elle peut passer 12 heures devant sa TV à jouer à des jeux vidéo. Tout ça, bref. C'est la blonde parfaite. Ben, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit dans son live dans son live de dans la fin de semaine. Oui, exactement. Puis j'ai vraiment... Il peut valer une plaque. Je sais pas. Je m'en rappelle pas. En tout cas, je serais vraiment sur ce manga-là. Oui, je suis juste au premier tome, mais je pense que je pense qu'il y a une vingtaine de tomes, celui-là. Ça se peut, je sais pas. J'ai pas bien écouté. Moi, j'étais occupé avec Alex qui s'occupait de ma commande de manga à moi, là, pendant que vous autres vous jasiez de plein d'affaires. De manga, oui, d'affaires de filles, là. D'affaires de filles. Comme si manga, c'est d'affaires de filles. Pas nécessairement, parce que lui aussi, il en lit des mangas. Oui, j'en lis. Je viens de commencer Fairy Tail, puis je l'avoue. Alors. Fairy Tale de Clamps? Hein? Fairy Tale du groupe Clamp? Non, un manga qui s'appelle Fairy Tale. Ouais, je sais, c'est ça que je dis. Ah, oh, ça se peut, je sais pas. Tu vois à quel point il connaît ça. Je viens de commencer le premier livre, j'ai même pas encore fini. Là. Ouais, elle a dit une chance. D'accord. Alors, moi de mon côté, j'avais parlé de. Je vais vous parler de. Excusez-moi. J'étais en train de perdre mon fil. Je vais vous parler de mon amour pour Walking Dead. Je viens de finir la série deuxième saison. Et j'étais un petit peu plus déçu de la deuxième saison. Je trouvais que c'était très, très, très... beaucoup moins de zombies, beaucoup moins d'action, beaucoup plus orienté sur les interactions entre les gens, les survivants, finalement. Mais la finale était quand même, avait de l'allure. J'ai quand même bien aimé pour ce qui est de la finale. C'est à peu près ça pour ce qui est de, Walking Dead. Ouais, Walking Dead, j'étais un petit peu déçu, mais de ce que j'ai entendu dire, la troisième saison risque d'être hot selon les fans du comic book qui jasent sur les forums. Là, ça a l'air que ça va être très très bon. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que c'est vrai que Walking Dead a toujours la même formule par épisode? Moi, je ne connais pas Walking Dead dans la mesure où c'est que j'ai pas ni lu les BD, ni vu l'émission. Non, moi je trouve pas que ça a une recette. Parce que moi, regarde, je suis habitué à voir des émissions avec des recettes. Smallville, il y en a une. Ça se voit, t'écoutes un épisode de Smallville, c'est le même. T'sais, t'as, oui. OK, il rencontre tel gars a un pouvoir X, lui, il va décider de voler sa blonde, donc lui, Clark Kent va aller sauver la fille, puis là, il va tuer le gars. Fin d'histoire. Il va battre le gars, il va pas le tuer. Ben, il va le battre, oui, parce qu'il tue pas... Mais tu sais, je viens de vous résumer 10 saisons de Smallville en ce que je viens de vous dire. 10 secondes. C'est vrai. C'est... Non, je trouve que ça y a moins de l'air d'avoir une recette. Je trouve que c'est vraiment une série qui est bien écrite, sérieusement. Mais elle battra jamais Game of Thrones. Que, oh my God, que j'ai quasiment une érection quand j'écoute ça. Ouais, à cause des tits. Oui, effectivement, des tits. Merci. C'était... Merci HBO. Incroyable. Keep it classy, HBO. Continue même, HBO. Je t'aime bien comme ça. Rétro, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais nous jaser? J'ai aussi acheté, dans ma grande folie de Skylander, le jeu, la version 3DS de Skylanders. Et même si le jeu est bon... Il m'a déçu beaucoup. Ah oui? Ouais. Il est quand même pas si pire. Sauf que de première, c'est pas le même jeu que sur les consoles. C'est un jeu différent. Et c'est un platformer qui en tout cas. Mais il est trop. Comment je pourrais dire ça? Il est trop plate. C'est pas qu'il est. Oui pis non. Ah. Tu sais, oui puis non, parce que la façon que c'est fait, c'est que les levels, tu pognes une zone, là, tu commences des levels, puis là, c'est des levels, tu sais, genre, t'as un genre de level, puis là, le but, dans le fond, c'est de faire les achievements dans le level pour pouvoir progresser jusqu'à la fin. En tout cas, je sais pas comment le décrire, mais mettons que la formule pour la 3DS, ça a mal été utilisée. Moi, tu pensais que ça m'a peut-être me le procurer sur 3DS. Calendar. Je suis mieux à PS3 ou la Wii, hein? T'es mieux de prendre la version console, à mon avis. Ok, c'est bon. Moi, je l'ai acheté par pure complétisation de ma collection. Mm-hmm. Puis j'ai été très déçu. Par contre, ce qui est quand même pas pire là-dessus, c'est que vu que c'est une console portable, mais tu stores deux scanners dans ta console, puis là, t'as pas besoin d'apporter le porteur avec toi ou tes figurines. C'est pas si pire. Fait qu'au moins, t'as les deux que t'as choisi, mettons, le matin avant de partir travailler, puis t'es crise dedans, puis tu t'en vas. Hein. Mais il faudrait pas, si jamais tu descends de Québec à Montréal pour les Comic-Con, de t'en mettre juste deux. Ouais, mais tu peux juste en mettre deux dans 3DS. Oh! Il faut que tu changes. Et une autre affaire qui est le fun, c'est que t'as un genre de dailies. Là. C'est qu'à chaque jour, genre, t'as deux éléments différents de Scalander qui te donne des points bonus puis des trucs bonus. Là. que, mettons, aujourd'hui, c'est le feu puis l'eau, ben, si tu prends deux scanners d'or de ça, ben, tu vas avoir des bonus pour tous les levels que tu vas faire. OK. Mais à part ça, le jeu n'est pas très intéressant. Le concept aurait été bon pour les platformers si ça avait mieux été exécuté. Les graphiques sont beaux, mais est-ce le jeu n'est pas très fort. Est-ce que tu penses qu'ils vont corriger ça pour le Skylander, la deuxième version? Je sais pas c'est qui va faire la version 3DS, parce que c'est pas la même compagnie que ceux qui font la version 3DS. Ah, OK. Ah oh, non? Ben, c'est Activision, mais une autre compagnie d'Activision qui le fait, mais c'est pas la même compagnie. C'est pas la même équipe, second party que c'est là qui fait la version console. OK. Eh ben. C'est bon. Toi, antithèse, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous jaser? Je réfléchis, puis... Au pire, on peut faire quelque chose, moi puis Marie. Vas-y. Oui. On peut y aller avec Big Bang Theory, l'expliquer un petit peu plus en fond, qu'est-ce que ça peut être. Au grand dame de Rétro. Alors, Rétro, si tu veux prendre une pause, vas-y. Ouais, je vais aller jouer à Pix and Rush. OK. On revient dans... Écoute, Ben, avant que tu y ailles, oui. Tu avais l'annonce que je me suis procuré Thor et Iron Man 2. Je sais pas si c'est pertinent. Ben, c'est des bons films. Oui, c'est ça. Même si Iron Man 2, tu peux le dormir. Tu peux quasiment. C'est un film avant d'être couché, tu sais. T'as pas besoin d'avoir compris l'histoire pour voir le film, tu sais. C'est vrai! Marie me regarde. Ok, non, t'es d'accord avec moi. Mais c'est parce que des fois... Wow, le langage corporel, il est fort, c'est incroyable. Là, j'ai regardé le film, il était comme 11h le soir, puis j'ai suivi le film totalement, puis j'étais allé me coucher après. Mais c'était pas le meilleur. D'accord. C'était vraiment pas le meilleur. Mais Thor, il m'a surpris énormément. Thor, il était bon. J'ai pas encore écouté Thor, faudrait vraiment que je l'écoute bientôt. Parce que sérieusement, pour un film fait par un Shakespearean, là, oui, très très bon. Je l'ai écouté sur Netflix, mais... Moi, j'étais allé le voir le premier soir de sa sortie, avec Marie-Lou. Ouais. Puis, on a été surpris tous les deux. On s'attendait pas à ce que ce soit un si bon film que ça. Ça m'a surpris, réellement. Mieux ou moins bon que Captain America vs. Avenger? Tu m'en demandes une bonne, je te dis. Ouais, hein? Je pense que j'ai mieux aimé. Je vais te mettre en perspective. Pour moi, Captain America vs. Avenger, je me suis dit, bon, ben, ça va être que... Ça c'est pas si bon que ça. Je regarde le film et je dis, toi mec, je t'aime. Mais je te dirais que tu vois une belle réalisation dans Thor comparativement à Capitaine. Capitaine, il y a quelques lacunes côté réalisation, des choix scénaristiques que peut-être j'aurais pas pris moi, mais pour ce qui est de Thor, ça a bien été choisi. Je pense qu'ils ont compris que c'est une histoire de mythologie à la base. Tu sais, t'es vraiment dans un monde cosmique. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est là la différence là, comparativement à Captain America où ben, tu te retrouves dans un monde des années 40. Ouais. Donc, bon, je sais pas si c'est différent, mais moi j'ai bien aimé Thor, sérieusement. J'ai trouvé ça bon. C'est quoi ce bruit-là? C'est qui qui t'aurait détrippé un oiseau? J'étais en train de jouer avec Pixel Rush. Ah, ok, mais. Ah, c'est toi, ok. C'est ça ou c'est dans mes écouteurs ou quoi, là? OK. On va aller côté moi et Marie. Oui? So Big Bang Theory, non Big Ben Theory. Non, Big Ben Theory. Ça serait tellement une excellente parodie de faire un Big Ben Theory. Ouais, mais faudrait qu'on soit les quatre ensemble pour faire une vidéo de même. Non, il en faudrait un cinquième. Attends, je prends des notes, mais qu'on puisse parler, je prends des notes. Quatre gars, une fille, by the way. Quatre gars, une fille. Faut que t'ailles... OK, c'est des stéréotypes de geek, hein? Alors, t'as le geek normal, comme vous autres et moi, qui jase tranquille. Relax. T'as le gars qui a à peu près 190 de QI, mais qui a aucune aptitude sociale. Okay. Ce qui amène des situations assez comiques. Pas capable de comprendre c'est quoi l'ironie. L'ironie ou le sarcasme, il y a de la misère à comprendre c'est quoi ces principes-là. T'as le gars qui tripe tout sur sa mère. Non, faux. Qui reste avec sa mère, mais qui est pas capable de l'endurer. Puis il essaie de coucher avec 200 filles en même temps, là. Mais ça marche jamais. Parce que sérieusement, il est trop pourri. Trop pourri avec les femmes. Et t'as Raj, qui est un hindou, mais qui, à chaque fois qu'il voit une belle fille, il est pas capable de parler. Non, dès qu'il est pas capable de voir une fille, point. Peu importe l'âge. Fait qu'il se met à figer. Il y a des femmes qui sont capables. Là, je pense que Leslie, étais-tu correct avec Leslie? Je m'en souviens pas. Je m'en rappelle pas. En tout cas, le seul moyen qu'il parle avec une fille, ce gars-là, c'est en buvant d'alcool. Puis à peu près, je vous dirais, un demi-verre de bière, là il part chaud, solide. Là, il dit tout ce qu'il pense. Tu sais, comme, hey, toi, t'es belle, j'ai envie de coucher avec toi. Mais tu sais, il dit ça à une entrevue pour une job, tu sais. You're pretty. I want to sleep with you. Ouais, mais rajoute un accent indien dedans. You're pretty. Yeah, I want to sleep with you. En you plein people are crazy in the head. Il l'a. On a trouvé notre Raj. You people are crazy in the head. Fait que sérieusement, si vous voulez essayer une série... Il manque un personnage, j'ai oublié le principal, c'est lui qui crée le Big Bang dans le Big Bang Theory. Ah oui, Penny. J'ai oublié Penny. Penny, qui est la fille complètement normale, qui déménage dans le même bloc appartement que cette gang de zoufles-là. Puis qui crée tout un chamboulement parce que de un des quatre gars, ben, tombe amoureux de la fille, évidemment. Oh ben, canon! Et puis il essaie de devenir un peu normal juste pour la séduire. Mais elle, elle cache pas parce qu'ils ont toutes 190 de QI, puis elle est comme un QI normal, puis c'est comme, ouais, ok. Bref, c'est assez drôle. Effectivement, mettons que ça donne des situations cocasses. Écoutez, ce que je peux vous conseiller, louez au moins le premier DVD. Avant, pour l'essayer, si jamais vous voulez l'écouter. Louez le premier DVD et ça vous prend au moins deux ou trois épisodes. Pour vraiment embarquer. Parce qu'après ça, vous décrochez plus. Sérieusement, là, j'ai ri à tour de bras. Puis Marie a embarqué. C'est ce qui est le plus drôle. J'ai embarqué. Mais ce qui est très drôle, c'est que Big Ben, je pense qu'on fait. Ça fait 2-3 semaines qu'on est là-dessus. Je pense qu'on a passé en 3 semaines. 2-3 saisons? 2 saisons entières. Et on s'en va chercher la 3e. Et la 4e. Et la 4e! Juste pour être sûr que je ne sois pas en manque. Puis c'est très drôle parce que, mettons, en fin de soirée, il vient me voir et dit « Oh, on écoute-tu un peu de Big Bang Theory? » C'est lui qui vient me demander. C'est très, très, très, très drôle. Ouais, mais ça finit bien une soirée, là, veux pas. Oui, c'est vrai. Ça finit très, très bien une soirée. Tiens. Told you. Puis, excusez-moi. Sérieusement, ça vaut à peine. C'est une très bonne série. Si vous voulez essayer quelque chose. Puis sinon, si vous voulez l'attendre en français, il s'en vient sur VRAC TV à partir de septembre. Donc, si vous voulez l'essayer avec une traduction mauvaise française, ben vous pouvez l'écouter sur VRAC. Mais moi, je préfère mieux la version anglaise. Les termes sont là en anglais. C'est parfait. Et sérieusement, autant quelqu'un qui n'est pas initié comme un geek normal que quelqu'un comme vous nous quatre, va aimer la série. C'est vraiment cool. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a bien des gens qui, effectivement, ne sont pas geeks et qui aiment bien The Big Bang Theory, qui, je dirais même, capotent sur The Big Bang Theory. Alors, ceux qui ont pu écouter, comme moi, get to it! Shame! I am. Mais là, Star, t'es rendu avec une blonde, là. Fait que tu vas pouvoir l'écouter avec ta blonde. Elle va adorer ça? Oui, je suis sûr, moi aussi, même si elle comprend rien en anglais. En fait, elle a des sous-titres français. Mais oui. Les sous-titres. Mon grand allié. Ouais, je vais y voir. On va avoir rentré quelqu'un dans la secte des Big Bang Theory. Et il va pouvoir faire avec nous la belle chanson de Sheldon. On va attendre un petit peu pour que ça soit plus spoilé québécois, cette chanson-là. On va vous laisser vous l'écouter. Si jamais on a un petit peu de demande, on en jasera. Fait que là, on va retourner avec Retro, mon ami qui s'est ennuyé. Hein? Quoi? Ah, ok, excuse. T'es de retour? T'avais-tu mais t'es toujours en vie, mesdames et messieurs? Eh oui, j'ai toujours en vie. Est-ce que t'avais d'autres choses à nous vouloir nous jaser, toi? Non. Non. Pas pour l'instant. Toi, PL, t'avais-tu d'autres choses? Bon, pas spécialement, je veux dire. Pas spécialement, non. Ça veut dire que oui, mais non. Oui, mais... Non, oui, mais je cherche sur quelque chose, mais... Sinon... En même temps, écoutez, ben ça, pendant que vous... Pendant qu'on fait le podcast, moi, je t'avais écrit des idées sur un projet, puis j'essaie de... Puis j'essaie de penser à qu'est-ce que je fais prochainement pour ma saga. Fait que... OK. Bon, ben d'abord... Donc, asking for the win. OK. Toi, si Marie, t'as rien d'autre non plus. Ce qu'on va faire, au pire, on va finaliser le podcast pour cette semaine. Ben merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Bon, on va commencer avec PL. Comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre au courriel antithèse, antythese, a commercial, yahoo.ca ou jmail.com. De même que sur Twitter, @antithèse16, S-A-Y-S à la fin, les quatre dernières lettres. Ou encore, je vous invite cordialement à venir nous jaser, que ce soit en message privé ou sur les forums desaccrosdesjeux.com. On va aller faire après ça. Marilyn, comment on peut te rejoindre sur les internets? De plusieurs façons. Pour les accros, on peut me rejoindre sur Twitter. Terrien Marie-Ève, M-A-R-I-E-V-E, en un mot. Sinon, on peut toujours me rejoindre via mes deux chaînes YouTube, Vlog de Marie en un mot et Création SML. Sinon, sur le forum des accros, toujours, ou sur Facebook, sur la page Facebook des accros, sans aucun problème. Rétro, comment on peut te rejoindre sur les internets? Alors, on peut me rejoindre sur YouTube, ou sur ma page Facebook, ou toujours sur le site des accros. Oh, mais qu'est-ce que tu es coquin, toi? Oh, merci. Faudrait que je rajoute une petite chanson, là, tu sais, sensuelle, là. Oh, you touch my ta-la-la. My ding-ding-dong. Ding-ding-dong. Oh, my God, c'est la chanson la plus horrible que je peux entendre. Et vous allez tous l'avoir dans la tête. Ok, oui, je vais m'arranger pour vous la mettre pendant cette chance, pendant qu'on jase. Alors, pour me rejoindre sur les accros des jeux, vous pouvez me rejoindre au courriel accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Vous pouvez également me rejoindre sur le forum des accros. Vous pouvez me rejoindre également sur Twitter @accrosdesjeux. Et sinon, pour ce qui est de Facebook, je n'accepte pas les invitations d'amis. Mon Facebook reste pour mes amis, c'est tout. Mais vous, si vous allez sur la page Facebook des Accros des Jeux, vous pouvez me jaser quand même sur cette page-là. Je vais pouvoir vous répondre sans aucun problème. Alors, sur ce, on va vous laisser les accros. On va aller nous occuper des Catwoman qui existent dans notre podcast. Ah oui. Et on vous... Oh, alors, c'est... Loin. Oui, effectivement. S'il te plaît, occupe-toi. Et attends, je t'amène dans la litière, ça se va. Ah oui, oui. Oui, la litière, j'aime ça. Alors, c'était le Big Ben. En détail. Retro Gamer Pinky. Et Marilyn, n'hésitez pas. Pour le podcast, c'est Zachlo. Qui vous dit, viens me rejoindre 4 mois. La porte à Bacha. Ok, moi, je vais aller chercher une.